c'est les choses ennuyées, le monde m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jacmel pour m'exciter. Ou arrière, y'a pas de train, je rate dans la cité. Et la nuit, c'est toi qui fais ma qu'au final tu auras amené. Mes potes m'ont dit, y'a un bout j'y vais. On pique, j'mets un masque sous le casque quand j'y vais. Tu la LONA, j'irai la Quenta. Tous les frangins qui mettent à élanger. Pour les anciens, pour ceux en chien qui sont avec le machin. Ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que les délits de c'est le béton, ça. Y'a des mecs comme ça, que t'as aimé du vice. Ça s'entraîne, ça va toute l'année. Les chétans de l'ennui, ça fait des grosses plaines. Des gros métallés. Et je t'empêche, puis je plus j'oublie. Et ce bête en bas, ça fait plus de sa vol. Ça se balade chargé. Normal, le vent normal.